Mardi 7 avril, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter, bien sûr, d'art visuel. Aujourd'hui, à l'émission, on discute avec Caroline Georges qui présente Repères à la bande vidéo. Également, on reçoit notre chroniqueuse Annie-Charlotte Thibodeau qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps et pour cause, elle est allée faire une résidence à Clifton à l'ouest de l'Irlande. Donc, elle nous parlera de cette expérience de travail. Également, on discute avec Norbert Langlois et Dan Brault de l'exposition Mes enchantements à la Galerie 3. Bien entendu, Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et le tout sera ponctué d'une suggestion de Simon Roy. En fait, je suis allée piger un peu dans le passé. Simon n'était pas disponible cette semaine et j'ai sorti un album que j'avais bien aimé. C'est Myth of Icarus de My Own Cubic Stone. On écoute tout de suite un extrait de la pièce My Own Cubic Stone sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier. Bonsoir Raymond. Bonsoir Julie. T'étais pas là la semaine dernière, je pense, hein? Est-ce que c'est la semaine passée? Il y a deux semaines. Il y a deux semaines, mon Dieu. Le temps file, ma mémoire est file aussi. Revue de presse pour cette semaine, j'en profite pour mentionner, en fait, les articles sont sur le Facebook de l'émission, facebook.com/l'aérospatiale. Première suggestion, en fait, c'est toi qui l'as apporté à mon attention un peu plus tôt la semaine dernière. Ben oui, je fais ça des fois. C'est assez surprenant, en fait, c'est qu'on a démontré qu'il y avait plus du tiers des expositions solo présentées dans des musées américains qui étaient le fait d'artistes représentés par cinq galeristes. Et ça soulève évidemment des questions quand même assez imposantes face à la variété qui est présente dans ces expositions-là. On donne l'exemple notamment du musée Guggenheim. En 2007 et 2013, on présentait quoi une douzaine d'expositions solo. Et 11 sur ces 12 expos-là étaient le fait des cinq galeristes qui sont ciblés justement par cette analyse-là. C'est le fait dans d'autres musées avec des pourcentages toujours variables. Et essentiellement, l'article soulève des questions quant au fait que pour certains commissaires, pour certains gestionnaires de musées, il y a peut-être une notion de délégation de la responsabilité de la sélection des artistes à justement des galeristes réputés, galeristes qui réfèrent évidemment leurs clients. Donc, il y a cette hypothèse-là qui est amenée. Évidemment, du côté des musées, on dit, non, pas du tout, on y va par la qualité, par la variété. C'est purement un hasard si justement ce sont ces cinq galeristes-là qui sont littéralement surreprésentés là, dans le contexte général. On parle de possibilité, évidemment, de faire des ajustements pour assurer quand même une certaine variété. Parallèlement, on se demande si justement il y a trop d'artistes qui sont représentés par les mêmes galeries, donc c'est un déficit au niveau ou un certain, disons, un oligopole, si on peut dire, au niveau de la représentation des artistes, et que c'est là que se situerait peut-être un peu plus le problème. Donc, il y a quand même, disons, plusieurs hypothèses qui sont amenées sans nécessairement réponse tangible. Donc, est-ce que c'est par manque de représentativité? Est-ce que c'est par délégation excessive des organisateurs d'exposition? Est-ce que c'est le hasard? Pas de réponse nette pour l'instant? Je pense qu'on peut mettre ça dans notre pile de dossiers à suivre, parce que certainement qu'un article comme celui-là va peut-être brasser un peu de choses. Sinon, autre élément, on avait parlé, et ça, c'est un suivi. Enfin, on ressort un peu, donc, c'est cette idée qu'il y avait eu la foire papier qui était présentée à Montréal et, qui va être présentée à Montréal. Et qu'en même temps que cette foire-là, il y a des galeries participantes à l'événement qui ont décidé de sortir de cette activité-là pour présenter leur événement en art visuel. Donc, qui s'appellerait Foire pour tous, si je me trompe pas, Foire Art Actuel pour tous. Et, dans le fond, Art Contemporain pour tous, voilà. Et donc, on a appris, au fil des médias, notamment la presse, les raisons justement derrière ce schisme-là. Essentiellement, donc, l'idée, c'est que les galeries critiquent le fait que la foire papier est un événement destiné au papier, en fait, au support papier. Et donc, on dit, regardez, nous, on a des peintres, on a d'autres médiums qu'on veut mettre de l'avant, et donc que cet événement-là ne correspond plus nécessairement à nos objectifs au niveau de la diffusion et évidemment de la vente des produits, des œuvres liées aux arts visuels. Du côté de papier, on dit, ça a toujours été quand même assez clair, évidemment, la mission de l'organisation. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir un médium, pas de faire découvrir une pratique de manière plus élargie. Et nécessairement, ça amène aussi d'autres projets, dans la mesure où on dit, regardez, est-ce que cette foire-là, donc Art Contemporain pour tous, pourrait devenir une grande foire en art actuel à l'image de celle qu'il y a à Toronto, New York ou Miami? Est-ce que Montréal pourrait devenir une plaque tournante de la vente des arts visuels? Est-ce qu'il y a un marché suffisant pour ça au Québec? Est-ce que le Québec sera en mesure d'attirer des acheteurs internationaux vers, justement, les galeries d'ici? Donc, c'est un peu la réflexion qui sont soulevées au travers de ça, via notamment Alexandre Taillefer, qui lui justement dit que papier aurait dû élargir sa programmation aux œuvres non reliées au papier, et lui a dit, regardez, refuser ça, c'est de l'intégrisme, carrément. Donc c'est, il y a un gros débat de ce côté-là. Il va pas avec le dos de la cuillère, hein? Oh non, il va pas avec le dos de la cuillère. Alors, on verra les suites de ce côté-là. Et puisqu'on parle de vente, petite note, la maison d'enchères Sotheby's va réaliser demain ses premières ventes sur le site de distribution en ligne eBay. Donc, c'est les premières enchères d'art contemporain en ligne, au bout du compte, ou d'art visuel au sens large en ligne. Oui, parce que je pense que j'ai vu une photo d'une actrice enceinte. Oui, non, il y a une demi-mort enceinte, donc c'était quand même assez large. Ça va être intéressant. En fait, moi, la réflexion, ce que j'en retiens un peu plus, c'est l'idée que, justement, au niveau du marché de l'art, l'Internet va devenir un recours quand même intéressant pour justement essayer de développer ou d'enrichir le marché. Alors, est-ce que ça va avoir un bon succès? Dossier à suivre. Sinon, rapidement, on parle de Première Ovation. En fait, ils ont dévoilé tout récemment les boursiers du printemps 2015 en art visuel, art médiatique et métier d'art. Donc, on aura plusieurs premières expositions individuelles. Valérie Boivin, Rosalie Gamache en mentorat. Plusieurs projets de création aussi, que ce soit Francis Arguin, Fanny Ménard, Charles-Étienne Brochu, Jeffrey Poirier, Guillaume Dessir, Mathieu Gauthier, Nathalie Leblanc, Sarah Thibault. Alors, il y aura quand même pas mal de gens qui vont être parrainés justement par le programme pour offrir différents projets. Alors, ce sera intéressant, évidemment, d'en voir la résultante. Mais oui. Et enfin, petite mention, la GAC, le RAF, pardon, le regroupement des artistes en art visuel, travaille à la mise en forme de l'interface publique du site de l'entrepôt numérique d'œuvres artistiques contemporaines. Semble-t-il que ça va bien. On nous dit que dans quelques mois, on pourra voir l'interface épurée qui supportera la mise en valeur des œuvres des artistes. Et on invite évidemment les artistes à y participer. Donc, il y a évidemment les membres du RAV qui sont invités, mais aussi les nouveaux adhérents au sens large. Ce qu'on demande essentiellement, c'est d'avoir plus de 50 pratiques comme artistes en art visuel, et soit d'être membre ou d'être prêt à devenir membre du regroupement. Voilà, Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi, c'est La vie en BD? Oui, enfin, oui, on va être en direct. Parce qu'il y a le festival. On va être en direct du salon à 11h, rediffusion à 17h30. Trois longues entrevues, Emmanuel Lepage, Tom Gold et Benoît Ferroumont. Voilà, donc dans le cadre du Festival international de BD francophone de Québec, c'est ça? Je l'ai bien dit? Oui. Voilà, l'invitation est lancée. On s'en va en pause audio, on écoute un extrait de la pièce Daedalus. Au retour, on discute avec Norbert Langlois et Dan Brault. Voilà, je suis rejointe en studio par Dan Bro. Bonjour Dan. Bonjour. On s'est vu dans le cadre du Radiothon, mais on se tanne pas, fait que on se revoit. Toute une semaine, je pense. Voilà. Ouais. Et par Norbert Langlois, bonjour. Allô Julie. Donc vous venez parler de l'exposition Mise en chantier, la première exposition officielle, disons, de la Galerie 3. Effectivement, la première exposition commerciale. On a eu une exposition avant, on en a parlé un petit peu plus tôt dans une autre émission avec toi, je crois. Mais il n'y avait rien à vendre. Là, c'est nos artistes, nos 5 artistes de la galerie, dont le trio BGL. Alors, des œuvres à vendre, on a plusieurs très, très belles œuvres de format domestique. Format domestique, c'est bien que tu dises ça, Norbert, puis certainement que j'y reviendrai, mais avant, j'ai envie de m'arrêter au titre « Mise en chantier ». Ça implique une évolution, ça implique quelque chose qui se construit, j'imagine que c'est un peu ça que vous vouliez mettre de l'avant. Ben oui, effectivement, puis le nom de la galerie, Galerie 3, au départ, quand on a cherché un logo, on est tombé sur le panneau de route 3, c'est une route aux États-Unis, puis... On voulait pas que le nom de la galerie soit quelque chose d'évocateur ou que le monde... Ça colore la perception qu'on a. Moi, non, parce qu'on veut que nous, ce qui est important, c'est ce que c'est moi. C'est les artistes, puis c'est pas nous les vedettes, c'est pas la galerie, c'est la peinture, la sculpture, c'est les artistes. Mais ce panneau de route-là, quand même, évoquait la route, le chemin à faire, tout ça. Mise en chantier, ben c'est le début de l'aventure, on pense. Écoute, je pense pas qu'on va avoir des thèmes routiers pendant 10 ans. Si je comprends bien, les artistes, c'est comme des matériaux, c'est ça? Pour nous, oui, un peu. C'est du béton. Peux-tu être un tas de briques, moi, écoute, OK. C'est bon, fait que la prochaine fois que vous irez à Galerie 3, c'est un tas de briques, sachez que c'est dans le bon. Oui, déjà la couleur. Ça radio, finalement, hein? Un tas de briques. Mais non, ça va être correct. Parlant d'œuvres, Norbert, t'as dit des œuvres de format domestique. Je pense que, j'imagine que tu fais référence, entre autres, à BGL, puis les œuvres de plus petit format là, qu'on n'est pas tellement habitué de voir. Certainement, mais c'est sûr que BGL, on les reconnaît beaucoup pour leurs installations, où ils vont prendre possession d'un lieu avec des trucs assez démesurés. Là, on a 4 œuvres qui peuvent rentrer dans la plupart des salons. Oui, dans la plupart, oui. Je pense que oui, tout à fait. Il y a une photo, en fait, pas une photo, mais il y a une bande dessinée qui avait été faite pour la revue Art Paper, qui est assez grande, mais ça loge un mur. Après ça, ben là, c'est des sujets, mais je pense que les œuvres qu'on a reflètent très, très bien le travail de BGL. Ça, quelqu'un qui connaît pas le travail peut se faire une bonne idée. C'est sûr que le travail en installation est différent, mais on... On sent leur humour, là, puis cette espèce de pied de nez, là, qu'ils font... Le jeu d'atelier. Les autoréférences, critiques de l'art, critiques de leur propre art. En tout cas, c'est, la BD, ça vaut la peine de la lire du début à la fin. Il y a des codes de couleurs. Moi, j'ai vraiment tordu en deux. Je trouve que c'est une des belles pièces d'exposition. Avec aussi, on a un très, très beau tableau voilà. Qui est de format semi-domestique de Dan Bro, parce qu'il est quand même un petit peu plus gros, mais qui loge très, très bien aussi. Mais malheureusement, déjà trouvé preneur ben le oui, soir Dan, même. Il a trouvé preneur le premier soir. À ma grande surprise, là. Pourquoi ta grande surprise? Ben, je m'attendais pas à vendre le soir du vernissage. Je m'attendais pas à vendre ce tableau-là non plus. C'est un grand tableau. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de vendre un grand tableau, mais je pense que c'est quand j'ai mis les pieds dans la galerie, au vernissage, je suis arrivé, puis ils m'ont dit, ben, on a quelqu'un d'intéressé, puis quelque chose comme 20 minutes après, c'était fait. Là. Fait que, ah ouais? C'est quand même ça cool, commence là. Bien, vernissage? Ah, tout à fait, mais moi, je suis pas surpris qu'on l'ait vendu, ceci étant dit, parce que c'est un tableau qui a une force incroyable, qui se situe actuellement dans la production de Dan. On est là. Il est là-dedans, dans cet univers-là, très foisonnant. On sent une maturité dans la peinture. Puis je vais te dire, c'est le tableau, un des œuvres qui fait le plus parler dans la galerie. On l'aurait vendu plusieurs fois. Ah ouais, puis les commandeurs des gens, c'est waouh, les trips, puis. Écoute, mais. Dan rougit à côté. Voilà, qu'est-ce que tu voulais que je dise? C'est gênant, là, mais. Ben, moi, je suis bien quand content. Je suis tant en mieux. Face de ce tableau-là, je comprends que les gens l'aiment, Dan, parce que. C'est pas toujours facile à expliquer l'art, mais tu sais, quand il se passe de quoi, tu le sens, on le sent. Devant ce tableau-là, il y a quelque chose, il est magnifique, mais tu sais, parler de beau en art, bon, c'est pas le monde va me critiquer, là, mais moi, je pense que c'est quand même un tableau très, très beau dans toute la dimension de ce que ça veut dire, le beau aussi. C'est ça. Ben, moi, le beau, pour moi, c'est pas un tabou, mais c'est certain que c'est subjectif, là, mais je te dirais que quand moi, je fais mes tableaux, j'essaie qu'ils soient beaux, là. Mon but, c'est pas de faire des tableaux laids, là. Non, c'est juste le... mais tu sais, en même temps, je peux faire quelque chose que moi je trouve très beau puis quelqu'un fait comme man c'est horrible ce que t'as fait, fait que je le sais pas, mais tant mieux si tu trouves que dans le cas de ce tableau là moi je serais vraiment surpris que quelqu'un aime pas ce tableau là c'est pas arrivé. D'ailleurs, on a un jeu quand il y a des enfants qui viennent à la galerie, on leur demande de choisir leur œuvre préférée, puis celle qu'ils aiment pas. Okay. Puis, ben, t'es quand même très populaire avec les jeunes. Auprès des enfants. La relève. Excellent. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec cette vente-là aussi, c'est quand j'y suis allée, voyons, j'ai oublié le nom là, de la société qui était là dimanche, mais il m'a dit... Pascal Webb de Lida. Pascal, oui, c'est ça. Donc, Pascal m'a dit, c'est quelqu'un qui avait jamais acheté d'or. Ouais. Puis moi, je repensais, quand on s'était rencontrés la première fois là, au sujet de l'ouverture imminente de la galerie, vous avez dit, non, on veut faire vraiment de la médiation puis rendre ça accessible, je sais pas... Avez-vous cette espèce d'impression d'avoir réussi déjà au premier soir? Ben c'est sûr que quand un collectionneur, la première œuvre qu'il achète, c'est une œuvre de ce format-là, de cette envergure, puis le cachet demandé pour l'œuvre, c'était, tu sais, moi mes premières œuvres m'ont coûté en bas de 100$, donc fait que c'était un investissement. Mmh. Alors déjà, ben par contre, j'aurais aimé ça que ça soit ma première œuvre. De commencer comme ça. Là. Mais pour revenir à ta question, oui, on était très, très fiers parce que c'est sûr qu'il y a un travail de médiation qui est fait avec le collectionneur quand c'est sa première œuvre. C'est la plus difficile à acheter. C'est toujours la première dans tous les cas. Tout ce que je connais, ça demande de la réflexion parce qu'investir là-dedans, quand tu l'as jamais fait... Alors oui, ça s'est fait ce soir-là avec cette personne-là. Puis regarde, moi, je suis très content qu'il ait acheté ça. Je veux dire, il le regrettera jamais. S'il y a de quoi, il va toujours bien vivre avec, ça va y apporter beaucoup dans sa vie, puis il y a de très, très bonnes chances que le tableau prenne de la valeur. Ben ouais. Les chances sont énormes. Puis aussi, bon, il y a Dan qui a vendu une œuvre, mais je pense que tout le monde a vendu. Tous les artistes ont vendu au moins une œuvre ce soir-là, fait que ça, c'est une grande, grande satisfaction, parce que, tu sais, on a bien beau, on part ce projet-là, on est plein d'enthousiasme, hyper positif, mais à un moment donné, la réponse, la vraie réponse, c'est là. Ben ouais. Parce qu'on aurait pu, tu sais, là déjà au vernissage, il y a eu plusieurs ventes. Ça a envoyé un message aussi, je pense, aux autres de dire, ben oui, on fait ça, on a du plaisir, mais regardez, ça se peut. À Québec, il y a un marché, on pense que les gens sont prêts à voir ça. Là, c'est un oui. Ouais, ben ça c'est un bon j'ai le goût de faire une analogie de golf en ce moment. C'est un bon coup de départ, tu sais. Je pense que c'est ça qui est ça peut être difficile des fois aussi de partir là, de commencer quelque chose. Je pense que je suis d'accord avec toi. Mais ce qui est le fun, moi j'ai trouvé ça le fun parce qu'après le vernissage, on est allé souper, j'ai une anecdote à compter. Okay, vas-y, excellent. Puis je me rappelle plus c'est lequel d'entre vous trois, mais qu'il y en a un des trois qui a dit, je suis content parce que notre but qu'on s'était fixé, c'est que tous les artistes aient au moins une vente ou qu'à la fin de l'exposition, on puisse leur remettre chacun un chèque ou tu sais, c'est quand même sympa que, ça arrive le que c'était ça soir. Leur but, puis ouais, puis qu'ils l'ont réussi dès le premier soir là. Fait que moi maintenant mon but c'est que à fin, mais j'ai juste un tabou, ça marche pas mon affaire, mais je vais dire à fin de l'expo, j'ai plus qu'un out. Chèque, mais je décolle là, juste un tableau. Mais non, on a vendu un autre un petit avant. Ah oui, c'est vrai. Okay. Chut, dis pas ça à Julie. C'est ça. Je le dirai à tout le monde. Ouais, c'est vraiment ta radio. Mais peut-être j'ai envie de parler aussi des autres œuvres qu'on peut voir, des artistes qu'on connaît moins peut-être ici à Québec, comme Saya Sarfarès. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que si je comprends bien, à chaque fois qu'il y a un achat, on déroule l'œuvre. Tout à fait. Juste pour préciser, ça s'écrit S-A-Y-E-H, ça se prononce Soyer. Ah, comme quand Dieu, on dit « Or, qu'est-ce qui se passe? Or, notre A ». Soyez. Ah, okay. Mais okay. C'est pas plus grave que ça. Soyez, l'œuvre qu'elle a fait, écoute, c'est un rouleau, il y a 9 dessins dedans. Il y a seulement le premier dessin qui était visible au vernissage. Ouais. Il s'est vendu le soir même du vernissage. Le collectionneur lui-même l'a découpé sous supervision quand même. On est un peu en fin de soirée. Non, c'est correct. Mais ces 9 dessins-là sont... Quand j'en parlais avec Soyez, ça faisait... Elle me faisait des références à son pays d'origine, elle vient d'Iran, où il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes qui sont emprisonnés. Puis les familles, pour réussir à faire sortir les enfants, il y a plusieurs étapes, et à chaque étape, ça coûte de plus en plus cher. Fait qu'elle, c'est un peu une référence à ça. Moi, je voyais aussi une référence à la confiance du collectionneur, parce qu'on voit juste un tableau, dessin sur les 9. Est-ce que moi, j'aime ce dessin-là, mais est-ce que je me fais assez confiance pour acheter lui, ou j'ai l'impression que c'est le 9e le plus beau, celui que je vois pas? J'aime mieux ce que je vois ou ce que je vois pas. Je trouvais que ça... Elle jouait avec l'idée des collectionneurs, en tout cas des gens qui veulent acheter de l'art... Définitivement, ça doit jouer sur ton cerveau, de dire okay, que je le mets-tu là ou j'attends-tu là. Ouais. Mais c'est intéressant aussi parce que finalement, c'est 9 dessins. Est-ce qu'on les perçoit comme 9 dessins différents? Est-ce que où ça fait une œuvre? Mais là, il y a tout ce qu'on voit pas. Donc, il reste quand même que pour la présentation, ça pique la curiosité. Ah, tout à fait. Puis ça aurait pu être vendu comme une œuvre. C'est un rouleau de 9 dessins sur un papier japonais très fragile. Puis ben après ça, faut comprendre aussi que sa démarche, son œuvre, il y a un côté très naïf, mais elle nous parle d'oppression, de guerre, de des sujets très, très lourds, entre guillemets. Fait que les deux ensemble, il y a un équilibre qui se crée. Puis il y a comme une beauté de la laideur en quelque part. C'est difficile à expliquer, mais ça laisse pas indifférent. C'est déjà très attrayant aussi, là, avec les couleurs vives, ouais, puis le bleu persan. Espèce de gouache aussi, super mat, là, qui, ouais. Mat, pardon, qui absorbe la lumière. Là. Très saturé aussi, ouais. Les sur couleurs des, sur papier de riz, franches, je pense, en plus qu'elle a utilisé, un rouleau de papier de riz. Oui, très fragile. Ouais, très fait que la fragilité, c'était aussi important pour elle, mais tout ça, quand on pense à tous ces éléments-là, ça prend du sens, ça fait du sens. Peut-être en terminant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, le temps file à l'aérospatiale, Andrea Mortson, puis Graham Patterson, qui présentent aussi des œuvres assez riches. Ouais, c'est moi qui vais en parler. Excellent. Je vais laisser à Andrea à Norbert, je la connais moins, mais Graham, c'est quelqu'un que je connais, un copain. Je crois que, si je me trompe pas, les œuvres qui sont dans la galerie, c'est des photos qui sont tirées d'une vidéo stop motion. Ouais. Et qui ça est tiré d'un plus gros une plus grosse installation qui a été présentée, je crois, à l'UQAM, si je ne me trompe pas, dernièrement. Et puis ce qui est présenté à la galerie, en fait, c'est ça, c'est cinq photos de 24-30 à peu près, là, qui fait un peu comme un close-up dans un c'est une espèce de building où on voit des fenêtres, puis là, dans le fond, les photos qu'on a, c'est les close-up dans les fenêtres. On voit les personnages qui sont dans les fenêtres, mais je vais t'avouer que je connais pas l'histoire, la petite histoire sous cette œuvre-là. Je m'excuse, puis je pense, Norbert, je te repasse le flambeau, mais je te fais une passe, mon gars. Je veux pas dire des trucs... Des termes de sport depuis tantôt. Ben, écoutez, le printemps arrive. La pêche bientôt. La pêche arrive. Et il faut pas le partir là-dessus. Graham Patterson, ça part d'une expo qui s'appelle Secret Citadel, qui fait présentement le tour du Canada. Graham a travaillé, a fait des maquettes. Dans ces maquettes, il y a des personnages de petits formats, il y a des petites projections. Je dirais la force de son œuvre, c'est les multiples couches puis la mise en abîme de son propre travail. Pour donner une idée, il y a des projections dans toutes ces petites maisons-là. Il se passe toutes des affaires. C'est difficile à expliquer en quelques minutes, mais quand on sort de la grande salle à l'UQAM, quand on sortait, il y avait un making-of. Mais pour son making-of, il a refait des bonhommes de format moyen qui manipulent les petits bonhommes. Je sais pas si à la radio, là, c'est clair, mais Là, ça s'y en deux. Là, le travail. 5 ans de préparation pour cette expo-là. Ah, ouais, hein? Et écoute, moi, j'avais hâte de voir, parce que moi, je l'ai vu, l'expo, le building dont tu parles, c'est un piano mécanique, en fait. Okay. Quand on met de l'argent, il y a une mélodie super mélancolique. Ça parle d'amitié, de solitude. Ouais. On la sent bien, la solitude, dans les photos. On était très émus devant ça. Puis Andrea Mortson, elle, écoute, pour terminer rapidement, un travail où je pense que la couleur est vraiment la vedette dans son œuvre. Des trucs assez formels, comme par exemple, il y a une forêt, on est à l'orée d'une forêt où on voit seulement des arbres. Alors c'est très vertical, mais elle travaille beaucoup en la vie. Avec. C'est jamais non plus complètement... dit dans le tableau, et toujours, ça évoque une forêt, mais... Ça évoque une forêt. Il y a quand même des simplifications formelles. Oui, c'est ça, on est dans un univers qui à la limite de l'abstraction. Évanescent quasiment entre les deux. Ouais, parce évanescent, que c'est, dur, c'est très bien dit. Puis le rêve aussi. Je l'écoute, je l'ai écrit dans mon calepin avant de m'en Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'onirisme aussi, surtout dans l'autre tableau où il y a des personnages, on a comme une mère de famille avec ses deux enfants. Mais là, c'est une interprétation que je fais, mais en tout cas, puis un des deux a un masque, fait que on est dans le symbolisme aussi là-dedans. Des œuvres abordables dans le sens que je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. C'est facile d'entrer dedans. Ouais. C'est facile. Voilà. Eh bien, c'est tout le temps qu'on a. On a même dépassé notre temps. Même Norbert Parfait. Langlois, Dan Brault, merci beaucoup. Merci, Julie. Puis ce sera certainement un plaisir de rediscuter probablement là, au fil des prochaines expositions. Avec plaisir. Et voilà. Sur ça, on s'en va en pause. Au retour, on discute avec Annie Charlotte Thibodeau. Vous aimez la science-fiction, lui préfère les romans historiques, alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise, et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées. Le Salon international du livre de Québec saura tous vous contenter. Avec plus de 1200 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence de Bernard Pivot, du 8 au 12 avril au Centre des congrès de Québec. Pour tout connaître et tout savoir sur le Salon international du Livre de Québec, écoutez Les bouquins d'abord, co-animé par Barbel Renquet et Sandra Lalancette, du 8 au 12 avril, de midi à 13h30. Romans, nouvelles, poésies, biographies, essais, polars, littérature jeunesse, rencontres d'auteurs, livres sur l'art.

Donc, avant de bâtir le projet de résidence, elle avait été amenée à présenter son travail en Irlande, puis à s'impliquer au sein d'instances culturelles là-bas. Vanessa travaille principalement en peinture, puis ses propositions picturales font écho à l'art paysager. Récemment, on a pu voir son travail à Québec lors de l'Encan au lieu, qui se déroulait en décembre dernier. Donc, au cours de la dernière année, en s'associant avec une auberge de la côte ouest, elle a bâti une résidence d'artistes à caractère multidisciplinaire. Puis pour la première édition, le projet a accueilli des artistes de l'illustration, du cinéma, du jeu, de l'art vidéo, de la sculpture et de la peinture. Ah, fait qu'il y avait quand même pas mal de monde. Hein? Oui, c'est ça. Il y avait 8 personnes qui étaient présentes, puis toutes disciplines confondues. Puis les artistes partageaient un studio de travail commun à même l'auberge. Puis pour ma part, moi, j'avais également accès à un espace de travail extérieur pour me permettre de tailler la pierre, ce qui était à la base de mon projet de résidence. Ouais. Puis dans mon travail en sculpture, en fait, j'élabore des espaces où des formes sensibles fragmentaires coexistent. La base de ce travail-là est assez procédurale. Donc, je pose des actions répétées sur des matériaux de base pour les altérer. Donc, je vais venir déchirer, faire éclater, couper ma ressource première pour arriver à des fragments. Puis ensuite, je vais bâtir des espaces où ces fragments-là vont cohabiter. Donc, les traces portées par les pièces deviennent des éléments communs qui permettent un échange entre les formes dans l'espace. Okay. Puis, bâtir ces environnements-là, ça t'attend inévitablement vers une pensée qui est liée au paysage. Puis avant de partir en résidence, je m'étais particulièrement penchée sur le rapport des pièces à leur environnement, donc le lieu qui les accueille ou la surface. Puis dans mes plus récentes pièces, les fragments portaient une ou plusieurs surfaces planes qui marquaient non seulement une intervention humaine claire, mais qui permettaient aussi une adhésion des formes à leur contexte. Donc les pièces, qu'elles soient posées au sol d'un lieu ou sur une surface construite, s'y joignaient puis pouvaient même y adhérer. Donc, en allant m'installer un mois en Irlande, j'ai décidé de poursuivre ces réflexions-là sur l'espace culturel, puis sur le paysage. Mais j'ai également décidé de porter mon travail procédural sur des éléments trouvés sur place, de sorte à ce que les actions que je pose sur ceux-ci ponctuent mon temps passé dans la résidence. Donc, le travail s'est fait en plusieurs étapes, un peu en 3 temps. L'amorce du projet s'est faite par la collecte de matières premières. Donc, je me suis ramassée puis j'ai récolté des pierres locales, principalement près du port de Rossereau sur la côte ouest. Puis ensuite, je les ai amenées en atelier et je suis intervenue en plusieurs gestes répétés sur les roches avec les outils que j'avais amenés, donc des outils de taille de pierre, entre autres des disques, une scie à diamant puis une meuleuse. Donc, je suis venue casser, couper, meuler des portions de pierre pour façonner des plans droits. Puis dans les pièces que j'ai fait là-bas, on trouve toujours au moins 2 plans droits sur les formes. Donc un qui sert d'assise, puis un ou 2 autres qui servent de jonction avec la surface d'accueil. Puis finalement, je suis venue peindre ces plans-là avec un blanc mat bien lissé. Puis j'ai posé les pièces sur une surface qui elle aussi est très, très uniforme, blanche et mate, de façon à ce que les plans droits des pierres s'y joignent avec justesse. Puis en fait... De cette façon-là, on se rend compte que la portion brute, puis sans intervention de la pierre, vient émerger des plans façonnés. Puis je sais que ces manifestations-là dans l'espace se produisent avec des moyens réduits, en laissant une place importante à la portion non altérée du matériau. Donc, en fait, on se trouve face à un grand espace construit, blanc et mat, duquel émergent plusieurs portions de matière brute et sensible, un peu comme des îlots. Mm-hmm. Les pièces sont assez petites, donc un peu plus grande. Quelle dimension, hein? J'ai l'impression que c'est à peu près le format de la main ou plus ouais, petit. Oui, c'est ça, un peu plus grand qu'un point fermé environ. Puis elles sont disposées sur une base qui est assez basse. Donc ça nous permet aussi de les voir un peu en plongée, en fait. Puis cette vue-là nous montre également bien l'adhésion des plans blancs au contexte, mais ça nous suggère aussi une lecture qui est quand même près de la topographie. Oui, c'est ça, parce que là, on se passe comme au-dessus du paysage, comme ouais. Si on était un peu à vol d'oiseau, là. Exactement. Donc, c'est ça, la hauteur, puis aussi la taille des pièces nous permet ça. Puis, dans le fond, dans cette proposition-là, on voit, oui, les rapports entre les pièces puis leur environnement, mais aussi comment ces pièces-là vont coexister dans un espace défini qui, mm-hmm. Qui rappelle le paysage. Puis, comme il s'agissait d'une résidence de recherche et de création, donc le but, c'était de produire puis de pousser mes réflexions dans un environnement inspirant au sein d'un atelier collectif. Donc, on n'avait pas d'exposition finale liée à cette période de recherche-là. Donc, moi, mes pièces, je les ai ramenées avec moi ici. Puis, pour ce qui est de l'aboutissement final de ce projet-là, en fait, ça prendra forme au cours du printemps. donc en collaboration avec quelques autres artistes de la relève, dont une artiste aussi que j'ai rencontrée en résidence, auquel je vais me joindre pour bâtir une exposition informelle à même un local inoccupé du centre-ville. Donc, le lieu reste à confirmer encore, mais le projet va investir un espace pour une courte durée, donc vraiment de façon événementielle, pour monter toute pièce une proposition de la relève au centre-ville de Québec. OK. Donc, on va avoir des nouvelles de ça, oui, là, c'est ça. Très je vais bientôt. Venir, ouais, je vais venir au courant des détails de l'événement sous peu. Puis, t'es contente de ta résidence? C'est une belle expérience? Oui, vraiment. Ben, le lieu est super inspirant aussi. Là. Puis, c'est bien d'avoir un espace aussi de travail qu'on peut partager avec des gens, rencontrer des gens de d'autres disciplines. Ben oui, parce qu'il y a huit personnes. Là, ouais, ça fait beaucoup. Là, c'est beaucoup d'univers à appréhender. J'imagine que ça devait être stimulant. Ça va donner un contexte effervescent. Oui, ben c'est pas le même regard aussi, comme c'est des disciplines vraiment variées. Là, c'est pas le même regard que les gens apportent aussi sur ton travail que quand tu partages avec des gens qui font le même type de production ben ouais. que toi aussi. Là. Fait que première d'une série de longues, d'une longue oui. série de résidences. Oui, espérons-le. Oui. Voilà, ben Annie Charlotte Thibodeau, merci de nous avoir, de nous avoir fait part de ton expérience. Puis on peut suivre ton travail sur ton site. Je pense que c'est oui. anniecharlottethibodeau.com. Oui, exactement. Pas de trait d'union, pas de point, rien. Tout, non, tout d'un non, mot. Tout simple. Voilà. Puis nous, ben on a certainement l'occasion de se revoir bientôt à l'aérospatiale avant la fin de la saison. Oui. Voilà. On s'en va en pause audio. On écoute Watch the Sky. Voilà, c'était un extrait de l'album Myth of Icarus de My Own Cubic Stone, une suggestion antérieure de Simon Roy. Vous pouvez trouver le lien sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, l'émission est disponible en balado-diffusion. Vous pouvez trouver les liens pour les communiqués de presse et bon, toutes sortes de choses sur notre site. Voilà, l'invitation est lancée. Et maintenant, on va faire un tour à la bande vidéo pour discuter de l'exposition Repères qui est présentée par Caroline Georges, qu'on avait avec nous. Bonjour. Bonjour. Cette exposition-là, elle a été présentée au départ dans le cadre du mois de la poésie, donc qui a lieu au mois de mars. Le mois est terminé, donc on peut quand même voir l'exposition à la bande vidéo. D'où vient un peu l'initiative de cette expo-là, dans ce contexte-là? J'ai été invitée en 2011 à présenter une exposition, une installation au mois de la poésie. Et là, j'avais préparé la première phase à Montréal. Et j'ai tellement aimé le projet, j'ai tellement été emballée par le défi de trouver des canevas ou projeter de la poésie à travers les villes que j'ai poursuivi le projet. Donc, 4 ans plus tard, je reviens présenter la somme du travail effectué depuis 4 ans. 4 ans quand même, hein? Ça, oui. C'est 61, vous en parlez comme des tableaux, en fait, donc qui ont été réalisés à Montréal, Vancouver, Toronto, New York, Amsterdam, Paris, Londres, Berlin, Hambourg. Voilà, oui. C'est inspirant, j'imagine. On ne doit pas voir la ville de la même manière quand on fait un projet comme celui-là. Ah ben non, on pose un regard qui est très spécifique, c'est un regard de création, et donc oui, c'est une manière, on cherche dans la ville, en fait je cherchais des canevas, tout était possible, donc il suffisait de circuler dans la ville pour trouver des lieux où installer le poème, en fait. C'est ça, puis ce sont des poèmes qui ont été conçus, si on présente un peu le projet dans l'ensemble, on voit donc des images de ville avec des poèmes ou des fragments ou des poèmes complets. En fait, ce sont de très courts poèmes, des fragments poétiques, l'appellation fragments poétiques me convient. Je pense que ce sont des tableaux vidéographiques. On découvre le poème dans son environnement dynamique. Donc, on n'est pas devant une photographie, on est vraiment devant un court vidéo qui est un instant, un plan en fait. Fixe, un instant. Et on découvre le poème dans son environnement avec le passage des gens, des véhicules, des oiseaux, le vent, les transformations de la lumière. En fait, j'ai pensé le projet pour en faire une suite d'archives, d'installations poétiques. Donc, on est vraiment devant qui reste la trace de l'installation poétique. C'est ça, puis c'est intéressant parce que, bon, vous parlez d'installation poétique, de tableaux vidéographiques, mais ces poèmes-là qui sont, vous parlez aussi de canevas, donc sur les murs de la ville ou sur différents endroits, on se pose la question, comme spectateur, est-ce qu'elle les a écrits là ou est-ce que ça a été ajouté après? Est-ce que vous répondez à cette question-là? Certains oui, d'autres pas. Et pour moi, le jeu, en fait, ce qui compte, c'est vraiment... Ben, j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui à travers l'œil médiatique. Tout ce qu'on sait du monde, toute l'information qu'on prend sur ce qui se passe dans le monde, c'est à travers l'image, à travers des archives. Et j'avais envie de jouer dans cette zone poreuse-là entre le virtuel et le réel, entre ce qui est de l'ordre du documentaire et de la fiction. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est vraiment l'expérience spectateur qui se retrouve face à ces tableaux, face à ces instants où il découvre une ville sous un angle singulier et où il fait l'expérience d'un poème. Donc, à savoir si le poème a été installé avant ou après, pour moi, c'est un peu accessoire. Ouais. Parce que ce qui va rester, c'est l'expérience de cet instant-là. À travers l'image, bien sûr. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi quand j'étais assise devant l'écran, c'était de voir comme les plans. Souvent, on sent un plan comme très près du sol. Moi-même, comme spectatrice, des fois, je me sentais comme dans cette image-là. Oui, ben l'idée, c'est pour ça que j'ai choisi le vidéo. C'est pour qu'on ait l'impression d'être là. Et non pas une photo, une image fixe qui nous renvoie à notre propre rapport dynamique au corps ou à notre environnement, mais de créer une forme d'immersion pour le spectateur. D'avoir l'impression soit qu'il regarde à travers une fenêtre ce qui se passe ou carrément qu'il est là. C'est important pour moi, ça, cette notion d'immersion-là. Puis en même temps, moi, j'ai eu l'impression de voir vivre la ville, puis d'avoir un rapport au temps, puis au passage aussi, parce que des fois, bon, il n'y a pas de figure humaine, d'autres fois, c'est un train qui passe, ça peut être un bateau, ça peut être des gens. J'ai eu l'impression de voir le temps qui passe, puis cette espèce de caractère immuable des lieux. Tout à fait, tout à fait. C'était volontaire, et ça induit l'état méditatif que je cherchais à provoquer. Donc, on est dans un... il y a un 20-25 secondes où on est dans un lieu précis, arrêté à observer le lieu, à le vivre et si possible, à méditer autour du fragment poétique qui est offert. Puis, c'est en noir et blanc. En fait, j'ai lu là, sur le site Internet que le noir et blanc est présent depuis très, très longtemps, notamment depuis pour mettre de l'avant les lignes de force. Dans ce cas-ci, des lignes de force, il devait y en avoir pas mal là, avec l'architecture. Oui, pour moi, le noir et blanc, c'est vraiment une façon d'atteindre une forme d'intemporalité. Ouais. Il y a aussi une manière d'épurer, de sublimer ce qui est perçu. La question de la sublimation, ça se traverse un peu tout ce que je fais. Mm-hmm. Et donc, oui, dégager les lignes de force et créer un lieu poétique. Je veux dire, l'image en soi, c'est un lieu poétique. Et il n'y a pas seulement le fragment poétique, il y a le lieu en soi, il y a la composition picturale qui vient qui vient compléter en fait cette expérience poétique-là. Puis ça donne un caractère un peu nostalgique aussi aux images qu'on voit. Tu sais, vous parliez du rapport au temps, donc ça devient intemporel, ça peut aussi bien être le passé que le présent, quoique les dates sont indiquées. Oui, ça peut. Je pense que pour certaines personnes, ça peut. Oui, il peut y avoir un aspect nostalgique. Il peut y avoir aussi. Oui, c'est intéressant. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est intéressant comme point de vue. Et ce qu'on voit en ce moment à la bande vidéo, donc c'est un travail qui dure depuis 2011. J'imagine qu'il est certainement pas terminé. Ben en fait, j'aimerais bien aller en Asie. Pour compléter ça, j'aimerais visiter Tokyo, Séoul, Shanghai. Ce serait bien. Je ne sais pas à quel moment je pourrais le faire, mais pour moi, ce serait vraiment une manière de compléter ce projet-là. Oui, je comprends. Oui. Peut-être parler de la démarche, en fait, parce que Caroline George, vous êtes écrivaine, vous êtes vidéaste, vous êtes photographe, vous travaillez la modélisation 3D, vous travaillez le numérique. Tantôt, vous avez dit la sublimation, c'est vraiment au cœur de mon travail. Est-ce que ce serait un peu comme cette espèce de fil rouge qui est sous-tendu dans toutes les dimensions de la création? La question du sublime, oui. Oui. Oh, oui, tout à fait. Je pense que tout ce que je fais, dans ce cas-ci, c'est vraiment de créer des repères à travers de multiples villes qui sont non pas des repères de signalisation comme on trouve dans les villes, mais des repères de conscientisation, une façon de déployer sa conscience dans une quête du sublime. Et ça, c'est une manière pour moi d'avancer dans cette quête-là. Dans mon travail littéraire, il y a eu l'approche du sublime, de la sublimation au plan plastique, cosmétique et physique. Il y a eu carrément de la science-fiction avec mon dernier roman, comment l'humanité va réussir à transcender sa matérialité pour atteindre une autre dimension d'existence, une autre forme de sublimation, comment dégager un corps subtil d'un corps grossier. Donc, pour moi, la sublimation, il y a de multiples volets d'exploration. Autant au plan physique qu'au plan spirituel qu'au plan esthétique. Mais qu'est-ce qui vous a amené justement vers cette avenue-là, vers cet intérêt-là? Pour la sublimation? Oui. C'est une très bonne question. je pense que j'étais pas très à l'aise dans le fait d'exister dans un corps humain. J'ai toujours été davantage fascinée par la fiction, par l'image, que par l'expérience à travers le corps, l'expérience à travers le quotidien. Et pour moi, la quête du sublime, c'est une façon de transcender l'état actuel des choses pour atteindre une dimension d'existence plus harmonieuse, plus harmonisée, plus vaste, plus intelligente. J'ai vu le terme subtilité aussi dans votre travail. J'ai pas compris le début de la question. En lisant votre site Internet, j'ai lu aussi que vous étiez à la recherche de subtilité. En fait, oui, du corps subtil, de comment se dégager de ce qui est grossier, de la matière, de ce qui limite en fait les possibles. Je m'intéresse beaucoup à la virtualité, au monde virtuel, aux dimensions 3D, parce que là, on peut circuler de façon beaucoup plus efficace et avec une omnipuissance qu'on trouve pas dans la matière. En fait, tout ce qui me permet de me dégager des limitations physiques me fascine. Et le monde virtuel est tout désigné. La fiction par le roman, ça l'est aussi. La création par le 3D, ça l'est aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de sortir de la dimension dans laquelle je suis incarnée pour aller vers une dimension plus fine, plus virtuelle à la limite, et qui n'est plus limitée par les limitations physiques. Et qui, finalement, j'essaie de trouver une manière de formuler, mais qui n'est pas tant régie par le physique que par la conscience, d'une certaine manière. Que par la conscience, que par les possibles de l'imaginaire, que par la volonté. Oui, qu'on puisse déterminer tout ce qu'on veut déterminer, qu'on puisse inventer notre devenir, qu'on puisse créer notre devenir complètement, en être complètement maître, oui, ce serait le fantasme absolu. C'est un beau fantasme quand même. Caroline George, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je vous remercie infiniment. Un grand merci. Donc, Repère est présenté à la bande vidéo jusqu'au 26 avril. On s'en va en pause audio, on écoute Escape. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission de l'aérospatiale du mardi 7 avril 2015. J'ai eu une folle envie de dire la date. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Mon nom est Julie Gagné, bien entendu. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs. Je vous invite une dernière fois à aller sur notre site l'aérospatiale.wordpress.com. Puis, ben, je vous laisse avec Jeff Chaumel et son Folk d'Amérique. Bonne soirée.